إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdoulillah, aujourd'hui on va commencer un nouveau livre, c'est le premier cours de l'explication, hein, Sharh Aqidatul Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et donc, c'est l'explication de la Aqida de l'Imam, le Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et cette Aqida, elle est expliquée par le Cheikh Salih Al-Fawzan, hein. Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique cette aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Toutefois, on a fait jusqu'à maintenant plusieurs livres de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Parmi les cours qu'on a donnés, on a fait Kitab al-Tawhid qu'on a fini hier, on a fait Al-Usul al-Salasa avec le charh de Cheikh Abdullah Al-Fawzan, on a fait le charh de Cheikh Salih Al-Fawzan de Al-Qawa'id al-Arba'a, on a fait Usul al-Sitta avec le Cheikh Ahmed al-Najmi, on a fait aussi parmi les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kashf al-Shubuhat, hein. Donc on a fait beaucoup de livres de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab jusqu'à maintenant. C'est des livres écrits par l'imam lui-même qui explique certains principes et certains points de l'islam. Maintenant, la aqida qu'on va lire aujourd'hui, elle a quelque chose de particulier du fait que c'est le Cheikh qui explique lui-même c'est quoi sa aqida à lui, hein. Et c'est en réponse à une question que des gens d'une ville de Qassim lui ont posée. Parce qu'à l'époque, comme on va le voir dans l'introduction, à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient, hein, à propos du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Imaginez à l'époque actuelle, avec tous les moyens de communication qu'on possède, et malgré tout les gens réussissent à faire circuler des mensonges chez les gens, malgré qu'on pourrait se renseigner facilement au sujet de quelque chose, des fois, malgré tout, peu de gens retournent aux sources pour savoir réellement c'est quoi la réalité des choses. Eh bien, à l'époque du Cheikh, c'était encore plus comme ça, puisque les moyens de communication étaient moins efficaces qu'aujourd'hui. Toutefois, il y avait quand même des gens honnêtes qui voulaient savoir la réalité, qui voulaient comprendre la vérité, et qui ont communiqué avec le Cheikh directement, qui lui ont écrit pour demander au Cheikh de clarifier c'est quoi sa aqida, c'est quoi sa position face à la croyance, et est-ce que c'est vrai les choses dont on l'accuse, est-ce que ce sont des choses vraies ou non. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a répondu à cette demande et il a expliqué et clarifié sa position et sa aqida pour que les gens puissent savoir la réalité au sujet de sa da'wah et au sujet du message qu'il enseigne. Hein? Donc on va lire ensemble l'introduction de ce livre qui est une introduction très très intéressante, très bénéfique parce que ça fait comme un résumé de tout ce que l'islam et tout ce que l'histoire des musulmans ont traversé dans l'histoire récente. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc vous allez voir que c'est quelque chose de très intéressant. L'introduction du début, c'est l'introduction du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, du Cheikh Salih Al-Fawzan lui-même qui explique un petit point au sujet de l'introduction. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Muqaddimatu at-Tab'atu al-Ula. Ça c'est la première édition de ce livre. elle a été publiée par yani Maktabat Dar al-Manhaj à Riyad. Elle est publiée la première fois en 1426, cette explication de cette aqidah. 1426, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, on est en 2009, donc c'était en 2005 que c'est sorti. D'accord? Donc c'est ça, vous allez voir inchallah donc dans l'introduction ici. Le cheikh il dit, cheikh Saleh Al-Fawzan, il a fait une petite introduction. On a une copie manuscrit du cheikh avec sa signature et tout, hein, pour montrer que c'est vraiment lui qui a donné la permission pour qu'on puisse imprimer et publier ce livre avec la date et tout. Donc, inchallah. الشيخ يقول الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء ببيان الهدى وإيضاح الحقائق وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وغيث كل كافر ومنافق أما بعد فإنه لما أشرقت دعوة التوحيد ولله الحمد في هذه البلاد على يد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انقشعت غيوم الشرك والبدع ولم يرق ذلك لأعداء الدين من الكفار والمنافق والمبتدعة والخرافيين شأنهم مع دعوة الرسل في كل زمان ومكان فراحوا يروجون التهم ويفترون الكذب على هذا الإمام وعلى دعوته ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وحتى إنهم شككوا في عقيدة الشيخ ونواياه إبقاء على عقائدهم الباطلة ونواياهم القبيحة فجاءت إلى الشيخ من أهالي القصيم رسالة يسألونه فيها عن عقيدته فأجابهم برسالة يوضح فيها عقيدته وأنها عقيدة السلف الصالح التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها عنه أصحاب صحابته وسار عليها أهل السنة والجماعة وكنت قد ألقيت دروسا في شرح هذه الرسالة سجلها الحاضرون من الطلبة جزاهم الله خيرا وطلبوا مني الموافقة على نشرها وأذنت لهم بذلك لعل من قرأها يجد فيها فائدة وينبهني على خطأ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه كتبه شيخ صالح الفوزان ابن عبد الله الفوزان. Donc, dans cette introduction, courte introduction, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il résume la raison pour laquelle cette aqida elle a été écrite, et les raisons, et il dit que la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il lance la vérité sur le faux, et la voit qu'elle est détruite, hein, qu'elle est anéantie, hein, et il dit ensuite, et que le salut et la paix soient sur le messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est venu avec la clarification de la guidance et la clarification et l'explication des réalités, et paix également sur salut sur ses compagnons et sur ceux qui l'ont suivi, qui sont des étoiles de guidance et qui wa ghayza kulli kafirin wa munafiq. Hein, c'est-à-dire ils mettent en colère, ils enragent tout hypocrite et mécréant. Et donc ça c'est la preuve que le vrai mu'min, dans ses caractéristiques, il met en colère les koufars, il enrage les koufars. Ça c'est quelque chose aujourd'hui, des fois on demande, les gens ils se demandent. Bien entendu, ils enragent les koufars, pas parce qu'ils leur font du mal, ou parce qu'ils les insultent ou des choses comme ça. Ils arrachent les coupables parce qu'ils s'accrochent à la vérité et ils suivent la religion de vérité et ils appliquent la religion de vérité. Et ils appellent les hommes à la vérité. C'est ça qui les enrage dans les croyants. D'accord? لشيخ اللي أما بعد فإنه لما أشرقت دعوة التوحيد lorsque la da'wa du tawhid a commencé à rayonner partout dans le pays par les efforts du mujaddid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab et que les nuages les ténèbres du shirk et des innovations ont commencé à se dissiper par le fait que la réalité et la vérité de l'islam a commencé à rayonner partout, eh bien, les ennemis de l'islam, les ennemis de la religion parmi les kuffars et les munafiqins, et les mubtadi'a et les khurafiyin, les gens qui font la sorcellerie ou qui font toutes sortes de superstitions, ceux-là ont été dérangés par cette da'wa de vérité. Et ils ont commencé à trouver que cette da'wa commençait à leur causer des problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à répandre toutes sortes de fausses accusations et toutes sortes de mensonges contre le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils inventent des mensonges contre lui et contre sa da'wa. Et comme le Cheikh il mentionne le verset 32 dans Surah Tawbah, Allah il dit dans ce verset-là, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche en disant des mensonges sur l'islam, en disant des choses fausses sur l'islam, mais Allah subhanahu wa ta'ala il va faire compléter sa lumière et parfaire sa lumière, même si cela déplaît aux kafirouns. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que la vérité, elle se répand, même si ça déplaît aux ennemis de l'islam. Donc les ennemis de l'islam, parmi les kuffars, les mubtadi'a, les gens d'égarement, ils ont essayé de mettre des doutes dans le cœur des gens au sujet de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ils ont commencé à essayer de mettre des doutes aussi, à mettre des doutes dans leur cœur au sujet de ses intentions également. Et donc, le Cheikh il a écrit cet exemple de Aqida pour clarifier tout ça. Et puis le Cheikh est venu, le Cheikh il a reçu une lettre des gens d'une région en Arabie qui s'appelle Al-Qasim. C'est au centre de l'Arabie. Cette région qui s'appelle Al-Qasim, les gens de là-bas, ils ont envoyé une lettre au Cheikh pour lui demander de clarifier sa aqida, de clarifier sa position réelle, parce qu'ils ont entendu toutes sortes de mensonges, toutes sortes de choses à son sujet, ils veulent savoir c'est quoi la vérité, c'est quoi la réalité. Alors, le Cheikh, il a répondu dans cette lettre que sa aqida, c'est la aqida des salafs. Salih, les prédécesseurs pieux, et c'est la même aqida qui a été amenée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été par la suite transmise par les sahaba qui ont propagé cette aqida partout, et c'est la aqida sur laquelle tous les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont restés depuis des siècles. Le Cheikh Al-Fawzan il dit, j'avais fait des cours pour expliquer cette risale, pour expliquer ce livre. Et ces cours ont été enregistrés par des élèves. Et les élèves, par la suite, ils m'ont demandé la permission de le mettre par écrit puis de le publier. Alors il dit, je leur ai donné la permission en souhaitant par ce fait qu'il y aurait un bienfait pour les musulmans là-dedans, et pour également que s'il y avait une erreur, quelqu'un aurait pu me l'indiquer et me le faire savoir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum. Salam alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Salam alaykum. Ou quoi que? Ouais. Vous êtes allé? Salam alaykum wa rahmatullah. Et puis vous avez mangé puis vous êtes venu tout de suite? Ah oui, c'était à la mosquée? Ah ok, Mashallah. Ouais, ils m'ont pas invité. Non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, alhamdulillah. Non, c'est pas grave, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok, donc vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe dans le monde. Les gens, ils mentent, et surtout maintenant, même les médias, ils mentent à propos de l'islam, et en particulier à propos de cette da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils disent tous, ah ça y est, c'est une da'wa qui est radicale, extrémiste, hein, c'est une da'wa qui est, comment je pourrais dire, ils disent qui est rétrograde, qui appelle à, en tout cas, j'oublie toutes les choses qu'ils peuvent dire, rien n'est contre cette da'wa de critique, les qualificatifs négatifs qu'ils ont contre cette da'wa et contre la da'wa du Cheikh. Mais, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est, si on veut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est cette aqida, qu'est-ce que c'est cette da'wa que le Cheikh a enseigné, il faut retourner à ses livres, à ses écrits. Et l'exemple de qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui, eh ben c'est lui-même qui explique aux gens ça, qu'est-ce qu'il croit comme aqida, qu'est-ce qu'il a comme aqida et c'est quoi qu'il défend. Donc ça va nous aider à vraiment avoir une idée correcte venant directement du cheikh lui-même. Hein, c'est pas quelqu'un qui l'interprète ou qui l'explique, c'est le cheikh lui-même qui donne sa croyance, puis le cheikh Saleh Al-Fawzan qui donne des commentaires pour expliquer et clarifier les détails de ces questions-là, d'accord? Et en même temps aussi, c'est que vous savez aussi en même temps que les propagandes qui se font dans les médias, depuis que quelqu'un commence à appeler à cette da'wa, parce qu'il y a parmi des gens qui se prétendent salafis, qui se prétendent vouloir appartenir à ceux qui suivent cette aqidah de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, il y en a parmi eux qui, malheureusement, ils ne font que le prétendre, mais ils ne suivent pas réellement les croyances et les principes de cet imam et des autres imams d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah qui sont venus auparavant. Et donc il y en a parmi eux qui font partie des khawarij ou qui ont des shubuhat ou qui suivent le manhaj des khawarij et qui font le takfir sans preuve. Il y en a également qui suivent d'autres méthodologies, qui mélangent des méthodologies des ikhwan avec les enseignements de certains principes des salafs et ils veulent faire une voie intermédiaire entre les deux, comme les sururiyah et d'autres tendances aussi, comme les qutbiyin et d'autres. Donc pour les kuffars, eux, ils se cassent pas la tête, ils mettent tout le monde dans le même paquet, hein, parce qu'ils vont pas commencer à trier, puis à analyser, puis à chercher qui est quoi, qui est qui. Hein, ils voient les gens, ils disent, ah l'Arabie Saoudite, ah, ok, tout le monde dans le même paquet. Ils vont pas essayer de distinguer. Hein. Donc c'est pour. Ah oui, ben oui, exactement, comme tu dis Harry. Quand c'est pour distinguer entre Shia et Sunni et les détails de ces choses-là, ils le savent en réalité. Mais c'est juste qu'ils veulent pas se forcer justement parce que le fait de faire l'amalgame et de pas distinguer entre les différents groupes, des fois ça les arrange, alors ils le disent pas. Mais quand c'est dans leur intérêt de le mentionner, ils le mentionnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des spécialistes en question de religion, alaykoum salam sallah. Ils ont des spécialistes en question religieuse, alaykoum salam sallah, qui étudient toutes les religions, toutes les tendances, et ils savent exactement qui est quoi, qui est qui, hein, ils font des analyses de ces choses-là. Donc, il faut pas donc se laisser tromper et berner par ça. Les propagandes médiatiques, à l'heure actuelle, sont connues. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont paresseux, qui vont pas faire des recherches, qui vont pas aller dans les livres pour essayer de savoir, ils vont juste écouter ce qu'on dit à la télé, puis ça y est, ils font leurs opinions là-dessus. Donc ça c'est triste, mais c'est ça ce qui se passe. Le cheikh, donc on va commencer maintenant avec l'introduction du livre. Le titre c'est « Sharh al-Aqidah al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ». Le cheikh, il commence donc l'introduction. La biographie n'a pas commencé. Mais tu sais que dans Sharh al-Usul al-Thalatha, on avait fait une biographie. Là maintenant, c'est pas une biographie vraiment. C'est pas vraiment une biographie qu'on va faire. C'est on va parler un petit peu de la vie du Cheikh, mais pas longtemps, parce que c'est plus un résumé du développement de l'islam. On va faire un survol de l'histoire de l'islam. Ok? Dans ce cours-ci, Inch'Allah, et puis à la fin, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Cheikh, et puis pourquoi ce livre a été écrit. Donc c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, le Cheikh dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, المقدمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المسلمين في عصر الصحابة والتابعين كانت عقيدتهم معروفة ومعلومة هي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول بسم الله الحمد لله لوجه الله يسأل sur son messager Muhammad صلى الله عليه وسلم ainsi que ceux qui l'ont suivi ainsi que ses compagnons أجمعين il dit ensuite les musulmans à l'époque des sahaba et des tabi'in ils étaient sur une aqida qui était connue et c'était qu'est-ce qui était dans le Coran et dans la Sunna c'est ça leur aqida qu'est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a laissé c'était ça leur aqida à l'époque وكانت العقيدة معروفة في عصر الصحابة والتابعين والقرون المفضلة القرون الأربعة وإن كان دخل في آخر هذه القرون شيء من الاختلاف وظهور الفرق كالخوارج والقدرية والشيعة ولكن كان الدين قويا وكان الإسلام عزيزا وكان أهل الشر يختفون ولا يظهرون شرهم فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت الشرور وجاهر أهل الضلال بضلالهم من جهمية ومعتزلة وباطنية وشيعية وشيعة وغيرهم من الفرق الضالة كالصوفية القبورية والنحل الباطلة ولكن كان الإسلام أيضا قويا في عصر الدولة الأموية وكان العلماء لهم جهدهم ومكانتهم وكانوا يقاومون هذه الأفكار فكان الزنادقة يقتلون في عهد الدولة الأموية كما قتل الجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم لشيخ الزبي العقيدة était bien connue également à l'époque des Sahaba et des Tabi'in et des trois ou quatre siècles préférés et à la fin de ces trois ou quatre siècles préférés les divergences sont apparues. Il y a commencé à avoir des divergences. Et on a vu apparaître quelques sectes, comme la secte des Khawarij, la secte des Qadariyah, la secte des Shia. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre le moment où la personne qui a inventé ou commencé cette bid'a est sortie, puis la personne où cette bid'a, et la période où cette bid'a a commencé à se répandre. Parce que c'est deux choses différentes. Ok? Peut-être aujourd'hui, il y a un individu qui va sortir et qui va commencer à dire les choses contraires à la sunna puis à appeler les gens à ça. Mais on ne va jamais entendre parler de cette bid'a. Puis, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, peut-être que là, cette bid'a va commencer à être répandue dans certaines régions, puis là, ça va être vraiment populaire, vraiment répandu. Donc, il faut faire la différence entre le moment où la bid'a est apparue et le moment où elle est devenue quelque chose de répandu dans la société. Et donc c'est ça que le chef essaie d'expliquer ici, c'est que au début il y avait des bid'as qui apparaissaient, mais c'était des choses qui étaient vraiment limitées, puis en plus c'était fait en cachette, c'était des choses cachées. Okay? Les gens avaient peur, les gens de bid'as avaient peur de montrer leur bid'as ouvertement, parce que l'islam était fort. Et les gens du mal, les gens de la bid'as, ils étaient peu nombreux, ils étaient vraiment faible à l'époque. Mais quand les... Ouais. Non, à l'époque des Sahaba, des Tabi'in et ceux qui les ont suivis, hein. Donc l'islam était fort et eux, ils avaient peur de se montrer. Quand les trois premiers siècles sont finis, le mal a commencé à devenir plus apparent. Et les bid'a et les gens de Balal ont commencé à sortir, hein, comme par exemple les bid'a des Jahmiyyah, les bid'a des Mu'tazila, les bid'a des Batiniyya et des Shi'a, et d'autres parmi les firaq, parmi les sectes égarées, comme par exemple les Soufis qui appellent à l'adoration des tombes, les autres sectes également de fausseté sont apparues. Et malgré ça, l'islam était encore fort à l'époque, sauf qu'il était moins fort à cette époque-là qu'au début. Mais malgré tout, les ulama de la dynastie des Umayyah, ce qu'on appelle l'Umayyah, eh bien, les ulama de cette époque, ils faisaient leurs efforts pour remettre les gens de bid'a à leur place et pour repousser ces faussetés et ces mauvaises idées qui étaient répandues à l'époque. Et les hérétiques étaient tués même à cette époque-là quand les gens sortaient avec des hérésies et des bid'ahs et des choses contraires à l'islam, ils étaient exécutés souvent même à cette époque-là. Hein. Comme Ja'd ibn Dirham, à cette époque-là, il avait été exécuté à l'époque par un des Umara, un des Amirs, un des dirigeants à l'époque, qui s'appelait Khalid al-Qasri, si je me rappelle bien, il a été exécuté sur la place où les gens sacrifient leurs moutons le jour de Eid. Hein, il a dit aux gens, après avoir fait sa khutbah, il a dit, allez sacrifier vos moutons, moi je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham. Parce qu'il a dit que Allah il n'a pas parlé avec Moussa, et il a dit qu'il n'a pas pris Ibrahim comme un Khalil. Alors, il a dit, allez, vous allez égorger vos moutons, moi je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham, et puis il l'a égorgé comme ça. Mais Ja'd ibn Dirham c'est qui? C'était le professeur de Jahm ibn Safwan. Et Jahm ibn Safwan c'est lui qui a répandu la aqidah du Jahmiyya, qui nie les noms et les attributs d'Allah, qui nie le qadar, qui nie l'iman, qui a des égarements dans l'iman et dans tous les autres aspects de l'islam. Donc, c'était une personne vraiment déviée. Il n'a pas pu répandre sa aqidah, mais il a transmis cette aqidah à Jahm ibn Safwan, et lui il s'est fait exécuter, mais Jahm ibn Safwan, lui, il en a profité par la suite pour faire répandre cette aqidah par la suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle cette secte Al-Jahmiyya, on l'appelle pas Al-Ja'diyya, on l'appelle Al-Jahmiyya parce que c'est Al-Jahm qui l'a propagé. Donc ça c'était pour montrer la force à l'époque de la Sunna, malgré que les sectes commençaient à se répandre, mais il y avait toujours quand même une force pour les gens de la Sunna. Le Cheikh dit « Summa ja'at dawlat Bani al-Abbas, wa kana aydan fiha quwwa, fiha quwwa. وفي أول الدولة قوة وللإسلام هيبة والعلماء لهم مكانة وكان الأشرار لا يكتمون لا يتمكنون من إظهار شرهم بحرية فلما جاء آخر دولة بني عباس جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد المأمون العباسي ابن هارون الرشيد الذي خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز السلطة وكان رجلا قويا ذكيا أيضا وعالما ولكن دخله أهل الضلال واتخذ منهم بطانة صاروا من حوله كابن أبي دؤاد وبشر المريسي فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهم فتأثر بهم وزينوا له ترجمة الكتب الأجنبية وأنشأ دارا للترجمة سموها دار الحكمة وهي دار النقمة ترجموا الكتب الرومية في بما فيها من ضلال وشر فجاءت العقائد الضالة من هذا الطريق لما ترجمت هذه الكتب كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لما ترجمت الكتب الرومية زاد الشر. Le Cheikh il dit ici par la suite que dans la période de la dynastie des Bani Abbas, Ad-Dawla al-Abbasiyya, il y avait également de la force. Au tout début de cette dynastie, il y avait quand même de la force pour l'islam, et les gens avaient du respect pour l'islam, et l'islam avait quand même un respect dans le cœur des gens, et les ulama avaient une place de respect aussi. Et les gens qui voulaient le mal, ils n'étaient pas capables de l'exposer ou de le montrer ouvertement, ce qu'ils avaient comme égarement ou comme bid'a, etc. Mais vers la fin de la dynastie des Abbasiyya, il y a un des khulafa qui est venu à cette époque, qui s'appelait Al-Ma'moun. Et Al-Ma'moun, Al-Ma'moun Al-Abbasi, c'était le fils de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, très très célèbre, hein, un des khulafa qui était un des meilleurs khulafa de Bani al-Abbas, okay, Harun al-Rashid. Donc c'était un de ses fils, et lui, Al-Ma'moun, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris la place de son frère, il a tué son frère, et puis il a pris le pouvoir, Al-Ma'moun. Donc, il était un homme fort, intelligent, savant, sauf qu'il y a des gens, des gamins qui se sont infiltrés auprès de lui, qui l'ont entouré, disons. Donc, ses conseillers, les gens qui étaient auprès de lui, c'était des gens des gamins, parmi les Mu'tazila, les gens de ces tendances-là, des gens de Dalal. Donc, il a pris ces gens-là comme des conseillers, comme Ibn Abi Du'ad et Bashr al-Murwaisi et d'autres. Et ces gens-là ont réussi à l'influencer et à le faire tomber dans leurs égarements et dans leur aqidah. Il s'est fait influencer par eux. Et ces gens-là lui ont embelli l'idée de traduire les livres de langue étrangère en arabe. Donc les livres, tous les livres grecs, les livres romains qui étaient pas en arabe, ces gens-là l'ont encouragé à traduire ces livres-là en arabe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert qu'est-ce qu'on appelle une école ou un institut ou bien un endroit, si on veut, on appellerait ça aujourd'hui un centre ou un institut pour traduire les textes des Grecs et des Romains et des autres peuples aussi en arabe, d'accord? Et il l'a appelé Dar al-Hikma, la maison de la sagesse. Donc, tous les livres de philosophie grecque, les livres des Romains, les livres de droit, les livres de science, toutes les branches de choses qui étaient écrites en langue étrangère, il les a fait traduire en arabe. Bien entendu, peut-être que dans certains de ces livres-là, il pouvait y avoir des choses bénéfiques pour les musulmans, sauf que quand ça rentre dans les domaines de philosophie et des choses de ce genre, là, c'est des branches de connaissances qui contiennent plus de mal que de bien. Et ça a ouvert une porte très grande pour l'égarement. Hein? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le chef, il dit, on l'a appelé cette maison Dar al-Hikma, la maison de la sagesse. Parce que je ne sais pas si, sûrement vous savez que la philosophie, le mot philosophie, ça vient de deux mots grecs, philo, qui veut dire aimer, puis sophie, ça veut dire la sagesse. Donc, Dar al-Hikma, la maison de la sagesse, en même temps, c'est un rapprochement avec la philosophie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se réunissait dans cet endroit-là pour débattre, discuter de philosophie, de religion, de toutes sortes de tendances, de choses, d'idées. Et il se basait uniquement sur la raison, pas sur la révélation pour discuter entre eux. Et c'est ça la méthode des Mu'tazila et la méthode des Jahmiyyah. Soi-disant, ils veulent débattre pour parler de Dieu, mais sans se baser sur la révélation, uniquement sur la raison. Donc, le cheikh dit on devrait l'appeler Dar al-Niqma, c'est-à-dire la maison de la malédiction et non pas la maison de la sagesse. Hein. Donc, ils ont traduit tous les livres des Romains, des Roumains, etc., des livres d'égarement dans lesquels il y a beaucoup de mal, qu'il y a des croyances d'égarement dedans. Et tout ça, ça a été traduit en arabe. Et comme cheikh Ibn Taymiyyah l'a mentionné dans Majmu' al-Fatawa, le volume 5 à la page 22, il dit que lorsque ces livres-là ont été traduits en arabe, le mal est devenu plus grand parmi les musulmans. وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق. فاقتنع بذلك ومسكوا قياده مع قوته وصلابته. فأهل الشر لا يتناهون بهم أبدا. لا يتهاون بهم أبدا. الواجب إبعادهم عن الساحة وإلا فإنهم يدسون شرهم ويضعف معهم القوي. Le chef il dit à la fin qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont convaincu à l'idée ou à la parole que le Coran est créé. Et il a cru par la suite que ça c'était la vérité. Que le Coran c'est créé, c'est pas la parole d'Allah, c'est créé. Une chose créée. Donc du moment que tu crois que c'est créé le Coran, alors tu peux l'interpréter comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec. Et c'est ça le danger de cette idée, de cette croyance. Ils ne veulent pas croire que, le Coran c'est la parole d'Allah. Et ils jouent avec les attributs d'Allah. Ils ne veulent pas reconnaître Allah tel qu'il est. Ils veulent se faire un Dieu sur mesure. Un Dieu qui est en accord avec leurs passions et leurs désirs. Ils veulent en fait dicter à Dieu comment Dieu doit être. C'est grave. Donc le cheikh il dit, ils ont pris le pouvoir, les Mu'tazila qui étaient autour de Al-Ma'mun, ils l'ont financé, ils ont pris le pouvoir. Et étant donné que c'est un khalifa qui était fort et autoritaire, hein, et très dur. Donc, yani, ils en ont profité pour imposer cette idée-là à tout le monde, hein, à travers le khalifa. Et là, le cheikh, il dit, donc, les gens qui sont dans l'égarement et qui sont sur le mal, il ne faut pas les prendre à la légère, jamais. Il ne faut jamais les sous-estimer et les prendre à la légère. Il faut les éloigner de la scène publique. Il ne faut pas leur laisser la possibilité et la chance de propager leur mal. Hein, parce que lorsque leur mal se propage, le fort devient faible. Donc, vous allez voir à travers cette explication-là qu'il y a toujours eu des moments hauts et des moments bas. C'est toujours comme ça. Ahl Sunna, des fois, ils sont au-dessus, ils ont le dessus sur les autres, et parfois, il y a des périodes où ils sont dans une position de faiblesse. Il y a des moments où ils sont dans une position de force. Tout ça, ça monte et ça descend à travers l'histoire. Vous allez voir, toujours il y a des hauts points, il y a des bas aussi. D'accord? Mais c'est pour dire que, en fait, peu importe la situation ou la position de Ahl Sunnah, il faut toujours savoir c'est quoi leur fondement et leur principe pour justement être capable de distinguer en ce qui est vrai et faux. Le Cheikh dit « فاقتنع المأمون بقولهم وأراد حمل الناس على القول بخلق القرآن والعياذ بالله كلام الله عز وجل المصدر الأول للشريعة أرادوا أن يجتثوه من الأمة فيقول إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله فاقتنع بهذا الرأي ولكن وقف الأئمة في مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله ووقفوا ضد هذه الفكرة الضالة موقفا حازما وأبوا أن يقولوا بخلق القرآن وعذب منهم من عذب كالإمام أحمد وقتل منهم من قتل ولكنهم صبروا ووقفوا في وجه المعتزلة فثبت الله بهم الدين وثبت بهم العقيدة الصحيحة ودحر أهل الشر. Le cheikh il dit que les gens, y a le ma'moun, le khalifa a été convaincu par leur position et ils ont voulu amener tout le monde à croire à cette parole-là, que le Coran écrit, que Allah nous en protège. Il dit c'est la parole d'Allah, la première source de législation islamique. Ils ont voulu essayer de l'éliminer de la Ummah. Hein, et ils ont voulu dire que le Coran est créé, que c'est pas la parole d'Allah. Et lui, le khalifa, il a été convaincu par cette position-là. Mais il y a des savants de l'islam à l'époque qui se sont tenus, qui ont tenu tête à ces gens-là. Et à la tête de ceux-là, il y avait l'imam Ahmad. C'est lui un des savants qui ont tenu tête le plus à cette fitna. Et ils se sont objectés. Hein, ils se sont objectés à leurs idées et à leurs égarements. Et ils ont pris une position de fermeté. Et ils ont refusé de dire que le Coran est créé. Alors à cause de ça, ils ont été torturés. Parmi eux, il y en a beaucoup d'imams et des savants qui ont été torturés. Parmi eux, l'imam Ahmad. Il y en a d'autres qui ont été tués. Hein, mais ils ont été fermes, ils ont fait preuve de courage et de patience et d'endurance. Hein, et ils ont tenu tête en face des Mu'tazila. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force à la religion et la fermeté à la religion par leur intermédiaire. Et donc, la bonne aqida est restée ferme et les gens du mal ont été par la suite repoussés. Et donc le cheikh il explique qu'il y a plusieurs imams qui ont tenu tête à l'époque et on parle le plus souvent de l'imam Ahmed parce que c'est un des plus connus, des plus célèbres et celui qui a tenu une position plus forte parmi ceux qui ont défendu la position d'Ahl Sunna qui se sont mis contre les Mu'tazila. Sauf qu'il y en avait d'autres aussi qui étaient contre, pas seulement l'imam Ahmad à l'époque. Sauf qu'il y en a d'autres aussi qui ont utilisé des méthodes pour justement éviter les problèmes. Comme il y a un frère qui expliquait, j'avais entendu cette parole de la part de certains ulama il mentionnait par exemple, quand on l'a questionné, l'imam al-Shafi'i, au sujet de ça, lui, il avait répondu par une ruse, en fait. Il a dit, si je me souviens bien, il a dit, la Torah, al-Zabur, al-Injil, al-Qur'an, ces quatre-là sont créés. Et lui, il veut dire ses doigts, hein, il a pointé chacun de ses doigts, comme il a pointé son petit doigt, et il a dit, la Torah. Après, il a pointé l'autre doigt, il a dit, al-Zabur. Après, il a pointé l'autre doigt, al-Injil. Et après, il a pointé l'autre doigt, il a dit, al-Qur'an. Il a dit, ces quatre-là sont créés. En parlant de ses doigts. Et eux, ils pensent qu'ils parlent de ses livres. Hein, des quatre livres, non. Donc ça, c'est un exemple, comment certains ulama, eux, ils ont utilisé ce genre de méthode-là pour éviter la torture ou éviter la fitna, hein. Toutefois, l'imam Ahmad, lui, oui, ça c'est pas, oui, oui c'est ça. Ça c'est des choses permises, exactement, dans les cas comme ça, puisqu'il veut éviter la contrainte et la fitna. Donc c'est dans des situations comme ça, Allah nous a donné la permission de, quand on est sous la contrainte, pour s'enfuir de la contrainte, de la torture et tout, ou de se faire tuer même, de dire des paroles comme ça parfois qui sont courtes, hein. Et c'est véridique, dans ce sens-là, il n'a pas menti, puisque ce qu'il disait, c'est que ses doigts sont créés, et c'est sûr que ses doigts sont créés, mais son intention dans son cœur, à lui, c'était de dire les doigts, tandis que pour eux, les gens de Bid'a, ils vont penser qu'il parlait des livres, hein. Mais il n'y a aucun des imams, Yanni, qui étaient parmi les imams d'Ahl Sunna, accepté qu'ils ont nié cette Bid'a, Yanni, d'accord. Mais Yanni, il y en a qui ont tenu des positions plus fermes que d'autres. Comme l'imam Ahmad, lui, carrément, il a dit non, le Coran, il n'est pas créé. Il a tenu tête ouvertement, puis solidement. Donc, le cheikh, il dit, « Tawalla ba'd al-ma'moun, akhuhu al-mu'tasim, ibn Harun, al-Rashid, summa al-wasiq, ibn al-ma'moun. » يعني, نعم. « Akhazu hadha al-manhaj, wa aradu haml al-nas ala al-qawl, bi khalq al-Qur'an. » كلهم عذبوا الإمام أحمد وضربوه ولكنه لم يعطيهم كلمة واحدة بل يقول القرآن كلام الله وإذا قالوا له قال هاتوا لي من القرآن أو من السنة دليلا على قولكم فيعودون عليه بالضرب ويغمى عليه رحمه الله ولكنه أبى حتى أنه سالت دماؤه من الضرب رحمه الله وغاب فكره من شدة الضرب وصمد إلى أن جاء عصر المتوكل ابن هارون الرشيد فخلص الله به أهل السنة ونصر الحق وقمع أهل البدع ثم قتل المتوكل واغتاله أهل الشر لشيخ الدين puis après المأمون il y a eu son frère المعتصم qui a pris le pouvoir. Et Al-Mu'tasim, lui aussi, c'est le fils de Harun al-Rashid. Puis après Al-Mu'tasim, il y a eu un autre qui l'a succédé, parce qu'il est mort quelques temps après. Hein. Entre Ma'moun et Al-Mu'tasim, il y a quelques années. Et après Al-Mu'tasim, il n'est pas resté longtemps, lui aussi, il est mort. Après, c'est son fils, le fils de Al-Ma'moun qui a pris la place, Al-Wasiq, Ibn Ma'moun, Ibn Al-Ma'moun, ok, donc c'était le fils d'Al-Ma'moun qui a pris la place après Al-Mu'tasim. Donc, ils ont tous les deux suivi le même manhaj que Al-Ma'moun, ils étaient eux aussi sur la voie des Mu'tazila, c'est-à-dire Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim et Al-Wasiq, les trois étaient sur la voie des Mu'tazila, et ils voulaient que tout le monde soit d'accord avec eux que le Coran est créé. Donc ils forçaient pas seulement les ulama et les savants, ils forçaient tout le monde, les juges, les imams, hein, personne ne pouvait avoir un poste ou une position acceptée qu'il était d'accord avec la position des Mu'tazila. Si quelqu'un était un juge et qu'il refusait de dire la même chose qu'eux, il l'enlevait de son poste, il mettait quelqu'un d'autre à sa place qui était d'accord avec eux dans cette position-là. Quelqu'un ne pouvait pas être imam dans une mosquée ou faire une khutbah, sauf s'il était d'accord avec leur idée, dans toute l'empire islamique à l'époque. Donc c'était une grande fitna, c'était pas quelque chose facile hein, pour les imams et pour les savants de l'islam. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Le chef il dit, il voulait que tout le monde dise que le Coran est créé. Donc ils ont frappé, ils ont torturé l'imam Ahmad, ils l'ont frappé, mais il voulait rien leur donner, même pas un mot pour les satisfaire. Il lui disait le Coran, il lui disait dit que le Coran est créé, il disait non, le Coran c'est la parole d'Allah. Et lorsqu'il lui disait quelque chose, l'imam Ahmad répondait, donnez-moi une preuve du Coran et de la Sunna pour défendre ou pour supporter ce que vous prétendez, et je vais le dire. Et bien entendu, il n'avait pas de preuve du Coran et de la Sunna pour défendre ce qu'il disait. Alors, il le frappait, il continuait à le frapper jusqu'à ce que son sang coule, yani. Et là, il tombait sans connaissance. Et quand il se réveillait, il le frappait encore. Hein, pour le faire dire leurs paroles, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils disent. Hein, et il perdait connaissance à chaque fois. Donc il a continué à se faire torturer, à se faire battre de cette façon, jusqu'à ce que vienne la période de Al-Mutawakkil ibn Harun al-Rashid. C'est-à-dire le frère de Al-Ma'mun, Al-Mutawakkil, c'est après Al-Wathiq, Wathiq il est mort, c'est Al-Mutawakkil par la suite qui a pris la place. Et lui, alhamdoulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que par lui, les gens de la sunna reviennent en force. Il a remis les gens de la sunna au-dessus et il a chassé les mu'tazila. Il a chassé les mu'tazila et il a frappé les gens de bid'ah et par la suite il a été tué lui aussi. Al-Mutawakkil, par la suite il a été tué parce que des gens du mal l'ont exécuté. Il dit le chir, pour référence, si vous voulez savoir à ce sujet-là, vous pouvez retourner au livre Al-Bidaya wa Nihaya de l'imam Ibn Kathir, le volume 10, à la page 333, et qu'est-ce qui suit? Il y a des détails de tout ce qui s'est passé à cette époque-là dans ce livre-là. après le chir, il dit, وَمَا زَالَ الْأَمْرُ فِي ضَعْفِ إِلَىٰ أَنْ جَاءَ آخِرَ الْخُلَفَاء بَنِي الْعَبَّاسِ واستوزر الشيعة وهم أخبث من الجهمية واستوزر ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي فجروا عليه التتار المغول من المشرق الذين غزوا بلاد المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفة وأخذوا الكتب الإسلامية وألقوها في نهر دجلة وقتلوا من المسلمين مئات الألوف واجتاحوا بلاد المسلمين فكان المسلمون يقاومونهم في كل بلد وفي النهاية خذل الله التتار ومنهم من أسلم. Le cheikh dit que par la suite qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la faiblesse des musulmans a continué par la suite. Après la mort d'Al-Mutawakkil, les musulmans ont, il y a eu des périodes vraiment de grande faiblesse après. Jusqu'à la fin du dernier khalifa de Bani al-Abbas, ils ont pris comme des ministres des chiites parmi les ministres. Ok? Et eux, le cheikh, il dit, eux sont encore Premier ministre. Eh non, c'est ça. Ok. Ben bon, qu'est-ce qui arrivait? Ils ont pris des chiites à la tête dans l'État, hein, dans l'État. Donc qu'est-ce qui arrive? C'est que il dit les chiites sont plus mauvais que les jahmiyas. Hein? À l'époque de Al-Ma'mun et les autres, il y avait les jahmiyas et les mu'tazila autour de Al-Ma'mun. Maintenant, c'était des chiites et eux sont plus dangereux encore que les jahmiyas. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis comme par exemple Ibn al-Alqami et ils ont mis Nasir al-Kufr qui s'appelle At-Tusi, celui qui a aidé les kuffars contre les musulmans. C'est eux qui ont fait entrer les Tatars dans Bagdad, hein, dans l'Empire islamique. C'est eux qui ont aidé les Tatars, c'est-à-dire les Mongols, ce qu'on appelait les Mongols à l'époque. C'est eux qui les ont aidés à rentrer. Hein. Et donc ça montre le danger des hypocrites et des munafiqines. Parfois, ils sont plus dangereux pour les musulmans que les kuffars à l'extérieur. parce qu'ils pouvaient pas rentrer les Tatars comme ça facilement, sauf qu'ils étaient avec l'aide de ces munafiqines là parmi les Shia al-Rafida. Hein? Donc c'est ça qui est arrivé. Et ils ont donc incité les Tatars à venir, ils les ont fait rentrer, ils sont rentrés dans l'État musulman, ils ont tué le Khalifa, ils ont pris les livres, ils les ont jetés dans l'eau, dans la rivière. Hein, les bibliothèques, ils les prennent, les Tatars, les Mongols, c'est des sauvages, sans aucune pitié, rien. Ils prenaient tous les livres, ils les jetaient dans l'eau. Hein, et ils ont dit tellement ils ont jeté des livres dans l'eau, l'eau était devenue la couleur de l'encre. Hein. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué des milliers, des centaines de milliers de musulmans. Comment ils en ont tué? Et ils se sont répandus par la suite pour aller dans le reste des pays musulmans. Et partout, dans chaque pays, les musulmans se préparaient pour les affronter, pour essayer de les repousser. Hein. Et donc, par la suite, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les Tatars soient écrasés finalement. Puis parmi eux, il y en a qui se sont convertis à l'islam. Mais le cheikh dit, l'islam est resté, alhamdoulilah, très fort quand même. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours fait en sorte, il dit, « Baqiya l'islamu walillahi alhamd qawiyan azizan » يقيد الله له من ينصره ويحميه ويدافع عنه ظهر الإسلام ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت مدلهم الفرق تتجاذب الناس الصوفية جهمية معتزلة وقبورية والشيعة يعيش العالم الإسلامي في أمواج من الفتن وفي هذه الأثناء ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية تخرج على كتب السلف الصالح النقية ودرس الكتب الضالة المنحرفة وعرف الشبه التي بنيت عليها وقام يدعو إلى الله عز وجل يؤلف الكتب ويدرس ونفي وسجن ولكنه لم يثنه ذلك عن الجهاد الجهاد بالسيف فخاض المعارك وقاتل بالسيف والجهاد بالقلم والجهاد باللسان والحجة حتى قيض الله له طلابا حملوا علمه كابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الأئمة الكبار فانتشرت الدعوة وبزغ فجر الدعوة والتجديد في دين الإسلام والرد على الشبه وعلى الضلالات من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه رحمه الله تعالى. Le cheikh il dit que l'islam par la suite, alhamdoulilah, il est resté quand même fort. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours fait qu'il y ait dans la umma des gens qui viennent pour défendre la religion et pour la protéger hein, et la défendre. Et on a vu apparaître à cette époque-là par la suite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et à son époque, les gens étaient attirés par toutes sortes de tendances, toutes sortes de sectes. Hein, les soufis, Jahmiyyah, Mu'tazila, des gens qui adorent les tombes, Kuburiya, les Shia, toutes sortes de sectes. Hein, il y avait des vagues de fitna qui frappaient la Umma les unes après les autres. Et pendant cette période, c'est là qu'est venu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il a étudié les livres des Salaf Salih, hein, et leur aqida pure. Et il a étudié les livres des sectes et des groupes d'égarements. Et il a étudié leurs shubuhat et les choses sur lesquelles ils se sont basés. Et il a commencé à appeler les gens à Allah, à écrire des livres, à enseigner, à nettoyer, à purifier la aqida des gens. Et il a été expulsé de son pays, il a été emprisonné à différentes reprises. Et malgré tout, pendant ce temps-là, en plus de ça, il faisait le jihad. Il faisait le jihad avec l'épée, il faisait le jihad avec la preuve et la langue. Il réfutait les gens de bid'a. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y ait par la suite, pour cet imam-là, des élèves qui ont pris sa science, comme l'imam ibn al-Qayyim, l'imam ibn Kathir, l'imam al-Zahabi et d'autres parmi les imams qui ont étudié avec ce cheikh. Et donc, sa da'wah, elle a été propagée et répandue partout. Et là, on a vu apparaître une nouvelle aube, c'est-à-dire une aube nouvelle de la da'wah et de la réforme de la science islamique et de l'islam et de la réfutation des égarements et des doutes qui sont propagés par les gens de l'égarement. Et donc, Cheikh al-Islam ainsi que ses élèves ont fait en sorte qu'il y ait cette réforme qui repousse, qui donne encore une nouvelle énergie à cette religion. Le cheikh il dit ensuite, ثم جاءت حقب حقب المتوالية ضعف فيها مذهب أهل السنة وكثرت البدع وانتشرت الضلالات بعد عصر شيخ الإسلام وتلميذه جاء عصر الركود وعصر الجمود وعصر التقليد الأعمى وبلاد نجد ما كانت تذكر ما كانت تذكر بل مغفول عنها تعتبر بادية أو شبه بادية قرى ومزارع وبادية وليس فيها مطمع لأحد كل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن الآخر فأمير عرقة أو عرقة لا يخضع لأمير الدرعية ومع ما بينهما من التقارب كل واحدة تعتبر مملكة مستقلة وكان علماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقه ويدونون الفقه ويحررونه ويؤلفون فيه وينسخونه ويدرسونه أما في العقيدة فكانوا على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية وعندهم تصوف وعندهم بدع وعندهم ما عند البلاد الأخرى بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في باديتهم وفي قراهم نعم كان في القرى علماء ولكنهم علماء فقه فقط وكانوا يذهبون إلى الشام يتتلمذون على علماء الشام الحنابلة ويحملون عنهم الكتب والفقه في مذهب الإمام أحمد الشيخ الذكر في par la suite il y a eu toutes sortes des espaces entre les différentes périodes de faiblesse dans laquelle la position des gens de Ahl al-Sunnah était plus faible que d'autres, après la période de l'imam Ibn Taymiyyah. Donc, il y a eu encore une fois la propagation d'innovations et d'égarements. Il y a eu une période par la suite qui est une période d'immobilité, l'immobilisme. Les gens sont stagnants, sont accrochés, ils suivent aveuglément leur mazahib, ils sont comme, comment je pourrais dire, dans une période de djoumoud, comme on dit, sont immobiles, inactifs, il n'y a plus de mouvement, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Les gens sont dans le fait de suivre les gens aveugles, de façon aveugle, sans retourner aux preuves, sans comprendre. Et la période, à cette période-là, il y avait le Najd, hein, qu'est-ce qu'on appelle le Najd en Arabie, qu'est-ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, la région de Riyad et de cet endroit-là. C'était pas un endroit qui était considéré comme un endroit important dans le monde musulman à l'époque. C'était comme des genres de déserts, ouais, des bédouins qui vivaient là-bas. Personne ne se préoccupait de qu'est-ce qui pouvait se passer là-bas. Il y avait des champs, des gens qui font de l'agriculture, des trucs comme ça. Il y avait des gens dans le désert. Mais personne ne se préoccupait de ce qui pouvait se passer là-bas. Et il y a personne qui avait d'intérêt à vouloir quoi que ce soit de ce qu'il y a là-bas. Parce qu'il n'y avait rien. Chaque ville ou chaque petit village avait son chef et chaque village était indépendant de l'autre avec son chef et personne se mêlait des affaires des autres. Hein. Chaque village avait son propre chef à lui et chacun était indépendant et parfois même ils se faisaient la guerre les uns contre les autres. Hein. Donc il donne des exemples comme les gens qui vivaient à Arqa, ils se soumettaient uniquement à eux-mêmes et les gens de Daraïa n'avaient rien à voir avec eux. Malgré qu'ils étaient tout près, mais c'était comme si c'était des royaumes indépendants. Tous des petits royaumes, tous collés un à côté de l'autre et indépendants. Les ulama, c'était des ulama du madhab Hanbali. Okay? Et ils n'avaient de préoccupation que pour les questions de fiqh. En principe, ils s'occupaient juste de fiqh. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient les livres de fiqh. Et il les expliquait, il les écrivait, il les transcrivait, il les enseignait. En ce qui concerne l'aqidah, ils étaient surtout sur l'aqidah des Asha'ira et des Maturidiyya. Et ils avaient aussi du soufisme. Ils avaient des bid'a aussi entre eux. Même que parfois ils en avaient surtout beaucoup plus dans les régions où il y avait des bédouins, parce qu'ils étaient loin de la science et donc il y avait beaucoup d'ignorance parmi eux. Dans les villes, il y avait des ulama, sauf que ces ulama étaient uniquement des savants de fiqh. Dans les autres sciences, dans les autres domaines, ils n'étaient pas considérés comme étant des gens qui étudiaient ces autres branches de sciences-là. Quand quelqu'un voulait étudier l'islam, parmi eux, il s'en allait vers Asham, c'est-à-dire en Syrie, dans ces régions-là, pour étudier avec les ulama qui étaient là-bas parmi les gens qui suivaient le madhab Hanbali là-bas. Donc, ça c'était la tradition. Il dit وهذا خير كثير ولكن العقيدة ليس لهم بها اهتمام. الناس كل على ما هو عليه من صوفية وقبورية وشر والسحرة لهم نشاط والكهان لهم نشاط والقبائل تحكم بالأعراف القبلية وهكذا. Il dit qu'il y avait beaucoup de bien, il y avait du bien quand même, sauf que les gens avaient peu d'intérêt pour les questions de croyance et de aqidah. Chaque personne suivait ce qu'il voulait. Hein. Chaque personne suivait ce qu'il voulait. Soit ils étaient soufia, soit ils étaient kuburiya, hein. Ou bien il dit qu'il y avait aussi des gens qui faisaient de la sorcellerie, qui étaient très actifs. Il y avait aussi des voyants, des gens qui prétendaient connaître l'avenir, qui étaient très actifs aussi. Et il y avait les traditions des tribus qui avaient la précédence. Les gens jugeaient surtout selon leurs coutumes et leurs traditions tribales, ainsi de suite. Donc le cheikh il dit « وَفِي هَذِهِ الْأَلَثْنَا أَظْهَرَ اللَّهُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بِنْ عَبْدُ الْوَهَابِ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الزَّكَى وَالْفَطْنَةِ ما جعله يدرك ما عليه الناس فكان من صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم ويقرأ من كتب السلف وهو وحده فقط ثم إنه لم يكتفي ببلده فسافر إلى البلاد الأخرى سافر إلى مكة حاجا وأخذ عن علمائها وسافر إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي وأخذ عن علمائها ثم سافر إلى الأحساء وأخذ عن علمائها ثم سافر إلى العراق وقصد إلى البصرة ولقي فيها من العلماء من لقي وتتلمذ عليهم وتعلم منهم ونسخ من الكتب ثم أراد أن يسافر إلى الشام ولكن لم يتيسر له ذلك ثم رجع إلى بلاده وكان حزينا وأسفا مما عليه الناس ولم يسعه السكوت على ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه فبدأ بالدعوة على بصيرة وهدى وبدأ الدعوة في بلدة حريملة ومقر أبيه حيث كان قاضيا فيها ثم إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيينة وكانت تحت إمارة ابن معمر وعرض عليه أميرها هذه الدعوة فتقبلها الأمير وناصر الشيخ وقامت الدعوة فبدأ الشيخ بتغيير المنكرات وهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة التي كان الناس يقصدونها وأقام حد الزنا فرجم الزانية التي اعترفت. Le cheikh il dit que à cette période il y a eu l'apparition du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Allah lui a donné de l'intelligence et de la compréhension et il a compris l'état des gens à l'époque. Il a vu dans quel état les gens étaient et depuis qu'il était tout petit, il lisait et il voyait ce que les gens faisaient. Il lisait dans les livres d'Ibn Taymiyyah et dans les livres d'Ibn al-Qayyim et il lisait les livres des Salaf tout seul. Il était tout seul, il s'assoit et il lisait les livres des Salaf. On sait que son père était le juge de la région où il était et son oncle était un savant aussi. Donc c'était des gens connus dans sa famille pour la science. Donc il lisait mais ce n'était pas suffisant, il a voulu partir. Donc il est parti, il a voyagé vers d'autres pays pour étudier. Il est allé à Mecca, il a fait le Hajj, il a étudié avec les ulama de Mecca. Ensuite, il a voyagé vers Al-Madina, il a visité la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a étudié avec les ulama de là-bas. Ensuite, il a voyagé vers Al-Ahsa, il a étudié avec les ulama là-bas. Et puis ensuite, il a voyagé vers Al-Irak et il a étudié par la suite, il est parti vers Al-Basra. En Irak, il est allé à Basra, il a étudié là-bas avec les ulama et il a également il a étudié avec des chouchs là-bas, il a étudié avec les chouchs là-bas et il a également transcrit des livres qui étaient là-bas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, il fallait qu'il transcrive tout à la main. Donc il trouvait des manuscrits et puis il les copiait avec sa main. Non, il est allé en Irak, il est allé à différentes régions pour étudier, mais lui il vient du Najd, la région du Najd, dans la région près de Riyad aujourd'hui en Arabie Saoudite, Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que il a voulu aller en Syrie, mais il n'a pas pu, il n'a pas été capable. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans son pays à lui, et il était triste, et désolé de voir l'état dans lequel les gens étaient. Et il ne pouvait pas rester silencieux et se taire quand il a vu la situation. Il fallait qu'il change, qu'il fasse quelque chose pour que ça change. Alors il a commencé à essayer d'appeler les gens. Parce que les ulama de son époque qui étaient là-bas, eux, ils voyaient les choses mais ils disaient rien. Lui, il pouvait pas rester comme ça. Il dit, il faut que je fasse quelque chose pour que ça change. Alors il a commencé à faire sa da'wah. Il a commencé la da'wah avec science et avec guidance. Ensuite, le cheikh, il dit, il a commencé dans une ville qui s'appelait Huraymila. Et cette ville-là, c'était là où vivait son père. Et son père était juge là-bas. Donc il a pas aimé la situation là-bas. Alors il est parti vers une autre région qui s'appelait Al-Uyayna. Et quand il est arrivé à Al-Uyayna, il a trouvé qu'il y avait un amir là-bas, un dirigeant là-bas, et il s'appelait Ibn Mu'ammar, ou Ibn Ma'mar. Et il lui a présenté sa da'wah, et l'amir a accepté cette da'wah. Alors il a accepté de le défendre, et de l'aider dans sa da'wah. Donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a commencé à faire sa da'wah, et a changé quelques des choses qui étaient parmi les munkarat qui étaient propagées dans la société. Et il a fait détruire le dôme qui était construit au-dessus d'une tombe d'un des Sahaba, je pense, qui s'appelait Zayd ibn Khattab, qui était enterré là-bas à Uyayna, et les gens venaient pour le visiter et lui faire des pèlerinages et des trucs comme ça. Et le cheikh, lui, il a donc ordonné de faire détruire ça, parce que c'est contraire à l'islam de construire des dômes sur les tombes et de bâtir des choses sur les tombes. Alors, il a fait détruire ça. Ensuite, il a établi la punition de zina. En fait, c'est le dirigeant qui a fait établir la peine de zina sur une femme qui avait admis avoir fait l'adultère. Alors, il a fait que la peine de la charia soit appliquée sur elle. À partir de ce moment-là, ça y est, les gens ont commencé à parler de lui. Les gens ont commencé à avoir peur. Mais c'est toujours comme ça, parce qu'au début, comme aujourd'hui, c'est la même chose. S'il y a une région dans le monde musulman où on apprend aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui commence à appeler à l'application de la charia et qui commence à juger selon les règles de la charia, automatiquement, là, ça va faire le tour du monde dans les médias. Et il va y avoir une campagne de diabolisation de cet individu-là et de ce qu'il appelle à suivre. Et tous les États qui veulent appliquer la charia aujourd'hui sont diabolisés dans les médias, c'est ça ce qui se passe. Comme du Nigeria, et exactement, puis l'exemple de l'Arabie Saoudite, et c'est toujours comme ça. Et si t'es pas sur la voie des koufars, eh ben t'es diabolisé dans les médias. Après le cheikh, il dit falamma balara, l'amir donc, il dit falamma balara, amir al-ahsa, ابن عريعر الخالدي غضب على ابن معمر وتهدده بأن يقطع ما يعطيه من المرتب أو من المرتب ولم إن لم يطرد هذا المطوع من بلده فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد فالشيخ أراد أن يطمنه فقال له ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان عليك أن تتوكل على الله والله جل وعلا يكفيك يكفي من توكل عليه ويغنيك الله عن ذلك ولكن الرجل ما اقتنع وطلب من الشيخ المغادرة وغادر الشيخ رحمه الله العيينة إلى أين وإلى أين يذهب ذهب إلى الدرعية وكان فيها الأمير محمد بن سعود وكان الأمير ابن سعود مثل غيره من الأمراء يمشون على ما هم عليه ويسمعون عن هذا المطوع الذي جاء للعيينة ويأخذون حذرهم منه ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذ له يقال له ابن سويلم في الدرعية ونزل ضيفا عنده ولم يعلم به أحد وكان أمره خفيا للشيخ الذكر بعد ذلك ابن معمر qui était l'ami de Dir'iya, Ibn Ma'mar, il a eu des menaces de la part d'un autre amir qui s'appelait Ibn Urayr, si je ne me trompe pas, Al-Khalidi. Il était fâché de savoir que Ibn Ma'mar avait aidé le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab dans la da'wah et qu'il avait commencé à faire cette l'application des peines, et ainsi de suite. Donc, il a demandé à Ibn Ma'mar de chasser le cheikh, Mohammed Abdul Wahhab. Il faut que tu te débarrasses de ce cheikh, fais-le sortir. Hein, il l'appelle Mutawwi'. C'est une façon comment les gens utilisent ce terme-là pour décrire les personnes qui sont, qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Ils les appellent par ce terme-là, Mutawwi'. Mais c'est un terme qui est utilisé mais en même temps c'est utilisé pour pas moquer, c'est ça rabaisse un peu la personne pour le dénigrer comme si c'est quelqu'un qui est un petit peu trop extrémiste là un petit peu exagéré qui exagère là ok donc et puis c'est le rabaisser aussi parce que on n'appelle pas quelqu'un qui est un savant de l'islam mutawwi' en principe c'est quelqu'un qui est religieux mais pas un alim donc c'est pour le diminuer qu'il l'appelle de cette façon. Alors il l'a menacé, il a dit, si tu ne le chasses pas, je te coupe les subventions que je te donne, l'aide que je te donne. Comme il y a beaucoup de pays aujourd'hui, des pays musulmans qui vivent sous les subventions des pays non musulmans, et le PS international. Donc les koufars, ils ont juste à dire, on vous coupe les subventions si vous appliquez la charia, et bien là tout de suite, il y en a qui vont dire, ah ben écoutez, on va arrêter parce qu'on a des problèmes, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Eh ben, le chef, il a dit, le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit à Ibn Ma'mar pour essayer de l'apaiser, pour le calmer, pour lui faire donner confiance. Il lui a dit, écoute, il met sa confiance en Allah, et Allah va te donner ton risque. Hein, mets ta confiance en Allah, il te suffira. Et il va te donner, qu'est-ce qu'il va faire en sorte que tu n'auras plus besoin de personne d'autre, hein, de quelqu'un d'autre. Mais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Ibn Ma'mar, il n'a pas été convaincu. Alors il a demandé au cheikh de quitter. Hein, il a eu peur, il a demandé au cheikh de quitter. On peut pas te garder ici. Alors, le cheikh est parti. Hein, et il est parti, il a quitté Al-Uyayna, et il est parti, j'avais dit Dar'iya, c'est Al-Uyayna, je m'excuse, et il est parti vers Al-Dar'iya. Il est parti vers Al-Dar'iya. Et l'amir d'Al-Dar'iya, c'était qui? C'était Mohammed ibn Saoud. Mohammed ibn Saoud, c'était lui l'amir d'Al-Dar'iya. Et il est parti là-bas, et il est arrivé. Bien entendu, l'amir de Dar'iya, il était comme les autres Umara de la région. Il n'y avait pas de différence entre lui et les autres. il entendait parler de ce cheikh, hein, qu'il appelait à l'islam, qu'il appliquait les peines, et ainsi de suite, qu'il appelait à une da'wa et tout. Mais il savait pas plus que ça. Et il est donc le chef, lui, il est rentré très, c'est-à-dire en sourdine. Il est rentré dans la ville de Ad-Dar'iyya sans faire de bruit. Personne ne savait qu'il était venu, sauf un de ses élèves, parce qu'il est allé habiter chez lui, Ibn Suwaylim. Et il a habité chez son élève. Il est rentré dans la ville, mais sans faire de bruit. علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ وكان قد هداه الله وكان قد هداها الله وسمعت بدعوة الشيخ واقتنعت بها فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود هذا العالم الذي جاء إلى بلادك رزق ساقه الله إليك فاغتنمه قبل أن يأخذه غيرك فما زالت به حتى اقتنع بقولها فقال قولوا له يجيئني قالت لا إذا طلبته قال الناس يريد أن يعذبه أو يريد أن يقتله ولكن اذهب له أنت لكي يقدره الناس انظر إلى حكمتها وسياستها رحمها الله فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم وكان ابن سويلم خائفا على الشيخ ولما جاء الأمير زاد خوفه فدخل الأمير على الشيخ وسلم عليه وعرض عليه الشيخ أمره فشرح الله صدره لهذه الدعوة وقبلها ووعد الشيخ بأن يناصره وأن يقوم معه وتعاهدا على ذلك. Regardez qu'est-ce qui est arrivé par la suite. La femme de l'amir, Mohammed ibn Saoud, elle a entendu que le cheikh était venu. Et Allah l'avait guidé à l'islam et à la compréhension de l'islam correct. Il était convaincu de la da'wah du cheikh. Alors elle a dit à son mari, l'amir Mohammed ibn Saoud, que ce grand savant, c'est Allah qui te l'a amené ici comme risque. Alors ne le laisse pas s'en aller ou laisse pas quelqu'un d'autre le prendre. Hein? Il faut en profiter pendant qu'il est là. Et donc, elle a convaincu son mari par la suite. Et son mari, l'amir, Mohammed ibn Saoud, a dit, ok, demandez à ce qu'il vienne me voir. Sa femme a dit non. Si tu le demandes de venir, les gens vont dire, tu veux le faire venir pour le torturer ou pour le battre ou pour le tuer. Va vers lui et va le voir, comme ça les gens vont le respecter. Et donc, il est parti, il est allé dans la maison de son élève, Ibn Suwaylim, et il est allé le rencontrer. Son élève, il avait peur pour le cheikh. Et quand l'amir est venu là-bas directement, il avait encore plus peur. Mais lorsqu'il est rentré, le cheikh lui a présenté sa da'wa, il lui a expliqué sa da'wa, et là, Mohammed Ibn Saoud, il a accepté cette da'wa, il a vu que c'était la vérité, et là il a été convaincu, et ils ont fait une entente entre eux. Hein? Donc c'est pour dire que quand quelqu'un entend parler de ta da'wa et il vient te voir et te dit à quoi tu appelles les gens, c'est quoi ta da'wa, et il commence à lui dire moi j'appelle au Coran et à la Sunna et à croire en la croyance des salafs salih et à appliquer l'islam tel qu'il a été révélé et à suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va être contre ça? Qui peut être contre ça? Hein? Personne. Donc, il dit, je suis là aussi en même temps pour établir la sunna et combattre les bid'as et combattre le shirk et les égarements. Donc ça, c'est celui qui aime la vérité, il va accepter ça. Hein? Donc ça, c'est l'exemple. Et le cheikh, il dit par la suite, et à partir de cette époque-là, le cheikh, il dit, « وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ قَامَتِ الدَّعْوَةِ مِنَ الدَّرْعِيَّةِ جلس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة وصار الطلاب يتوافدون عليه ووجد من يأويه ويناصره وصار يكاتب البلدان ويدعوهم إلى الله ثم إنهم كونوا الجيش للجهاد فغزوا ما حولهم من البلدان ونصرهم الله على ما حولهم من البلدان دخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود فبدلا من كونه أميرا على الدرعية فقد صار أميرا على نجد كلها ودخلت البلاد تحت إمارته وقام جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل وقامت الدعوة. الشيخ dit que à cette époque-là, par la suite, donc la da'wa a été établie à la ville de Tar'iyya. Et le cheikh, il s'est assis pour enseigner, pour donner le nasiha, pour écrire. Et il avait beaucoup d'élèves maintenant qui venaient de partout pour étudier avec lui. Et il a trouvé une protection et un support dans cette ville. Et il écrivait pour des gens de d'autres villes, pour leur expliquer le manhaj, la da'wa, et l'aqida et tout. Et ils ont même fait une armée à l'époque, hein, à Dar'iyya, ils ont fait une armée pour préparer le djihad et ils ont ils se sont préparés à combattre toutes les autres villes qui étaient autour. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire sur toutes les autres villes autour d'eux. Et ils sont tous entrés sous la tutelle de l'amir Mohammed ibn Saoud. Donc au lieu d'être uniquement le chef ou le responsable ou le dirigeant de la ville de Dar'iyya seulement, il est devenu le dirigeant de Najd au complet. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné par la suite le pouvoir sur la région du Najd au complet, et aujourd'hui sur l'Arabie au complet. Et à un moment donné, ils allaient même entrer jusqu'en Irak, et au Yémen, et en Syrie, ils s'en allaient vers la Syrie même à un moment donné. Et c'est les événements, Allah n'a pas voulu que ça se propage jusque là-bas, mais c'est, ça continuait à se propager et à s'étendre. Cette da'wa. Donc, c'est pour dire, après, le cheikh il dit, في هذه الفترة أهل الشر صاروا يلبسون على الناس فيقولون إن ابن عبد الوهاب يريد يغير دين المسلمين وأنه جاء بدين جديد وأنه جاء يكفر المسلمين وأنه وأنه فأهل القسيم كتبوا له يسألونه وهذا شيء طيب أنك لا تصدق الشائعات فتكتب للشخص وتسأله فكتبوا يسألونه عن عقيدته لأنها شوهت عندهم وقيل إنه رجل خرج يريد أن يكفر الناس ويقتل الناس ويغير دين الناس كما وقيل ما قيل فكتب الشيخ رحمه الله هذه العقيدة ليبين عقيدته وأن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة وأنه ما جاء بشيء جديد وأن ما نسب إليه كذب وكتب غير هذه الرسالة في ردوده الموجودة في الترر السنية على الشبهات التي وجهت إليه ومنها كتاب كشف الشبهات أجاب عن الشبهات التي أثاروها حوله لشيخ الزي. Durant cette période, les gens du mal et les gens qui voulaient défendre la bid'a et le shirk ont commencé à essayer de mélanger les gens et confondre les gens et dire aux gens que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il veut changer la religion des musulmans. Il a ramené une nouvelle religion, hein, et qu'il veut déclarer les musulmans koufars, ainsi de suite, ainsi de suite. Plein d'autres rumeurs comme ça qu'il propageait à son sujet. Et les gens de la ville de Qasim, ils ont écrit une lettre au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et pour lui demander qu'est-ce que c'est sa aqida, qu'est-ce que c'est sa position, c'est quoi la vérité. Et le cheikh il dit que ça c'est une bonne chose, que quand on entend parler de quelqu'un, on ne croit pas à qu'est-ce que les gens disent du premier coup. Malheureusement aujourd'hui, c'est ça ce qu'on voit, beaucoup de musulmans, ils entendent dans les médias des choses à propos de certaines personnes, ils vont même pas essayer de demander à cette personne-là directement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai. Ils vont croire tout ce qui se dit dans les médias. Ah, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ils vont même pas essayer de savoir directement de cette personne. Alors qu'elle vit à Montréal ou qu'elle vit quelque part ici, ils peuvent aller le voir, lui dire on a entendu que tu as dit telle chose, que tu as dit telle chose. Est-ce que c'est vrai? Non. Ils croient en ce qu'ils entendent de la part des médias et des kuffars. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Si un fasiq, il vous vient avec une fausse information, vérifiez-la. Vérifiez l'information. أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Yani pour pas que vous faisiez du tort à des gens en ignorance, par votre ignorance, et que par la suite vous soyez avec des remords, vous ayez des remords pour le mal que vous avez fait avec votre langue de parler contre cette personne alors que vous n'aviez même pas la bonne information à son sujet. طيب ان شاء الله بارك الله فيك اخي tu ramèneras la semaine prochaine le hadith, vérifie-le comme il faut, comme ça on va le voir, mais c'est un bon exemple du fait que quand faut pas répandre des faussetés sur quelqu'un sans vérifier et sans demander à la personne, hein, tu vois, comme dans l'histoire que tu racontes, la personne avait une explication à donner sur les choses, hein, ça c'est pas honnête de croire en ce que des gens racontent sur quelqu'un, surtout quand c'est des non-musulmans qui parlent d'un musulman, de croire en ce qu'ils répandent, de croire en ce qu'ils disent sans vérifier, hein, c'est de la malhonnêteté de faire ça. Et le cheikh dit par la suite donc que les gens de Qassim, ils ont compris ça et ils ont écrit au cheikh pour demander au cheikh est-ce que c'est vrai ce que les gens disent et c'est quoi ta aqida, hein. On dit que tu viens pour dire que les gens sont des koufars, que tu veux tuer les gens, que tu veux changer la religion des gens, et on a dit à ton sujet toutes sortes de choses. Est-ce que ça c'est vrai? Hein? Donc, le cheikh, il a écrit cette aqida, hein, pour clarifier la réalité de sa position et de sa aqida, hein, et que sa aqida, en réalité, c'est la aqida de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Il n'a rien ramené de nouveau. Et tout ce qu'on lui a attribué, c'est un mensonge, hein, et il a déjà écrit d'autres choses dans d'autres livres, il a clarifié sa aqida également, et il a réfuté beaucoup de mensonges qui ont été dits à son sujet, dans Kashf al-Shubuhat par exemple, ou dans d'autres livres qui sont mentionnés dans le livre Ad-Durar al-Thaniya. Et Ad-Durar al-Thaniya, c'est les écrits de Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, ainsi que les écrits des savants, des élèves de Mohamed Abdul Wahhab et de leurs descendants aussi qui ont étudié avec eux, qui sont réunis dans un seul livre, et c'est un livre qui a comme 13 volumes ou quelque chose comme ça, donc c'est un gros livre, des écrits de Cheikh Mohamed Abdul Wahhab et de ses élèves ou de leurs descendants. Donc le Cheikh il dit « وَهَذَا أَصْلُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ » أنها جواب عن سؤال عن عقيدته وكانت القسيم علماء أيضا وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة فلما بلغهم خبر الشيخ وما أثير حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته فكتب رحمه الله هذه الرسالة يبين فيها عقيدته وما هو عليه ويدفع ما شبه ضده. Donc yani, il dit le cheikh que ça c'était donc une réponse. Ce livre-là qu'on va lire ensemble, c'est une réponse du cheikh à cette question qu'on lui a posée au sujet de sa croyance. Parce que les gens de Qassim, il y avait à Qassim des ulama, et eux ils étaient en relation avec les savants de la Syrie, qui étaient des Hanabila. Et lorsqu'ils ont entendu parler du cheikh, ils ont entendu aussi de tout ce qui a été répandu à son sujet. Et au sujet de ce qu'il avait fait, donc ils ont demandé au sujet de sa aqida, et donc il a écrit le cheikh cette risala, cette lettre, pour clarifier sa position et pour réfuter les mensonges qui avaient été dits à son sujet. Donc c'est ça, et souvent des fois c'est ça qui arrive, parfois on voit que des koufars ou des médias ils vont blâmer certains musulmans, ils vont les blâmer de quoi? Ils vont les blâmer de croire en l'islam et de défendre les croyances de l'islam et la charia de l'islam, comme si c'était un tort, comme si c'était un blâme qu'on leur faisait. Et en réalité, souvent même, il y a dernièrement, il y avait des frères de l'université de Sherbrooke, et il y a un frère qui m'a appelé, il m'a demandé pour faire une conférence là-bas. Lui, il n'était pas vraiment proche des administrateurs de l'université Sherbrooke. Hein, il connaissait pas les gens. Il savait pas que c'est des Ikhwan et que c'est leur manhaj et tout. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, on voudrait que tu fasses une conférence sur le terrorisme. Alors, j'ai dit, ok, pas de problème. Il m'a donné la date et tout. Une semaine après, il m'appelle, il m'a dit, écoute, j'ai présenté le sujet au responsable de l'association musulmane là-bas. Et je leur ai donné ton nom et tout. Et ben, une semaine après, ils ont fait une recherche sur Internet. Ils ont trouvé des articles de journaux dans le journal qui parlaient de toi. Et ils ont dit, oh non, on ne veut pas avoir des problèmes, donc on ne veut pas inviter ce gars-là. Et là, le frère leur a demandé, est-ce qu'il a dit quelque chose qui est contraire à l'islam? Est-ce qu'il a dit quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna? Ils ont dit, ils n'ont rien amené de contradiction avec le Coran et la Sunna, ils n'ont pas trouvé. Alors, le frère a dit, mais dans ce cas-là, on l'accuse de certaines choses, mais il n'y a rien qui, dans ce qu'on l'accuse, il n'y a rien qui est contraire au Coran et la Sunna. Alors là, ils sont restés comme ça, ils ont dit, ah, mais on ne veut pas de problème, nous, on ne veut pas de problème. Et donc, ils ont invité un autre individu pour ne pas avoir de problème. Allah Musta'an. Alors qu'au contraire, c'est très important de clarifier ces questions-là. Mais c'est juste pour dire les rumeurs que les gens propagent. Ils ne vont même pas venir te voir, toi, pour te demander en personne, est-ce que c'est vrai, ces choses-là? Est-ce que toi, tu as ces choses-là? Est-ce que tu as des choses... Hein? Et donc, il faut juste retourner à la personne, demander les questions. Le Cheikh dit, « وَهَذِهِ حَالَةُ الدَّعْوَ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ لَا بُدَّ أَنْ يَنَالُهُمْ شيء من الأذى والتهديد والتخويف ولكنهم يصبرون على ذلك ويثبتون عليه ويجيبون عن الشبهات التي تعترض سبيلهم وهذا مما يؤكد على أن الداعية يجب أن يكون عالما يستطيع أن يجيب عن الشبهات وأن يبين الحق من الباطل وأن يكون متسلحا بالعلم. Le Cheikh il dit que ça c'est la situation dans la da'wa qu'on appelle les gens à Allah. Ceux qui appellent les gens à Allah, il faut qu'ils aient quelque chose qui les atteint des difficultés, des menaces, des gens qui veulent leur faire peur ou qui veulent leur nuire. Oui c'est ça. Ils doivent faire preuve d'endurance et de patience. Et ils doivent être fermes sur la vérité. Et répondre aux mensonges et aux doutes et aux shubuhats que les gens essaient de mettre sur leur chemin. Et donc, la personne qui est dans la da'wa, il faut qu'elle soit une personne savante qui est capable de réfuter les shubuhats et de clarifier qu'est-ce qui est vrai et faux, hein, et qu'il soit armé de science. Wa al-Shaykh, rahimahullah, ma bashara hadhihi al-da'wa al-azima illa ba'da an ta'ahala laha. وبعد أن تعلم والتقى بالعلماء في البلاد التي سافر إليها وقرأ الكتب ثم بعد ذلك باشر الدعوة وهو مسلح بالعلم والحجج فنصره الله عز وجل مع إخلاص النية لله عز وجل وأنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا مالا ولا جاها وإنما يريد وجه الله عز وجل ويريد نصرة هذا الدين وبيان الحق والنصح للخلق فهو مشفق على الخلق أن يهلكوا وهو بينهم ولديه معرفة بالحق فرأى أن يقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرأى أنه لا يسعه رحمه الله إلا هذا. Donc le Cheikh il dit que le Cheikh il a donc pris en charge, il a pris la responsabilité de faire cette grande da'wa après qu'il ait acquis les sciences nécessaires pour pouvoir faire cette da'wa. Il a rencontré les ulama de différents pays où il avait voyagé, il a étudié les livres, il a lu les livres et il a commencé à faire la da'wa. Il était armé de sciences et de preuves et Allah lui a donné la victoire par la suite et l'a supporté parce qu'il avait la sincérité dans l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala et il ne voulait pas s'élever lui-même sur la terre et faire du désordre sur la terre. Il ne voulait pas non plus de l'argent ou une position, hein, il voulait uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et il voulait uniquement défendre cette religion-là et clarifier la vérité et donner le bon conseil à la création et aux êtres humains. Et il avait de l'affection, c'est-à-dire Mushfaquniani, il veut du bien pour les gens, il pense au bien des gens, et donc il ne veut pas que les gens périssent ou que les gens s'égarent. Alors, il sait que lui-même il a une connaissance de la vérité, et il voit les gens, et donc il pense à eux, et il veut du bien pour eux, alors il les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ordonne le bien, il leur interdit le mal, et il a vu que c'était la seule chose qu'il lui qu'il lui fallait faire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il prenne cette responsabilité-là pour vraiment venir en aide aux gens et pour aider la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier, la fin de l'introduction que le cheikh avait expliqué pour le livre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis on continuera donc samedi prochain avec, on va commencer le texte du livre directement, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك